ina lingi ye kale ye ye na lingi ye so o ale ka ke ga ye po so a so Bien-aimé, notre Père Céleste, en toute humilité, nous nous approchons de ton trône maintenant encore. Par cette occasion nouvelle que tu nous accordes, de nous réunir au nom de Jésus-Christ pour t'invoquer et puis partir, pour chercher ta face, pour te confesser nos péchés, pour purifier notre conduite, pour purifier nos voies, pour réclamer ton salut et recevoir tes directives. Entendre ta parole et exprimer l'amour envers toi, toi qui nous as aimé le premier. Reçois chacun de nous, chacun. Reçois chaque esprit bien disposé dans ta sainte présence, à tes pieds vraiment Seigneur, à ton divin service. Agrée-nous par le sang de l'agneau, que tout le monde se soit ôté, toute indignité soit enlevée, toute iniquité soit expiée, et tout péché qu'il soit pardonné. Nous avons confiance que tu es Dieu qui sait de quoi nous sommes faits, qui peut délivrer chacun et secourir tout nécessiteux. Car lorsque le malheureux de la terre crie à toi, il est écrit que l'Éternel les entend et il les délivre de toutes les angoisses. Confirme ta parole ce soir. Ouais, chacun de nous en ta présence, de l'esprit de vérité et de force, pour te servir avec détermination, pour marcher dans la victoire de Golgotha, pour témoigner des merveilles et que les ténèbres soient dissipées, que les doutes et l'incertitude soient dissipées et que l'amour de Dieu se révèle triomphal. Nous t'appelons sur la scène, croyant que tu vas nous autoriser, convaincu que tu utiliseras chacun qui voudra te suivre, qui veut s'abandonner à toi. Bénis cette réunion, Seigneur. Domine les dominations, toutes les dominations étrangères, toutes les puissances d'esclavage. Domine les au nom de Jésus et prends le dessus. Exerce ta royauté sur les saints de ta maison, sur les rachetés par ta grâce, les sauvés par ta grâce. Montre-nous tes voies, soutiens-nous dans la voie, tiens-nous par la main, Seigneur. Que sans toi nous pouvons rien faire. Lorsque tu béniras le reste des enfants rassemblés à travers le monde, parfois à ces heures même, ou une heure, deux heures après, ou d'autres sont en train de terminer, en répandant tes bénédictions, souviens-toi des petits troupeaux qui te parlent et fais-nous grâce d'être soutenus par le ciel. Et l'ambassade du ciel et toutes les armées du ciel soient là en poste. Et les anges du Seigneur soient là en poste. Que notre force soit fortifiée pour combattre, sachant que nous sommes entourés. bien entouré du Seigneur lui-même. Console le cœur affligé. Éclaire les voies en ténèbres. Change nos ténèbres en jour. Change tout malheur en bénédiction. Transforme la situation de chacun. Pour que nos lèvres confessent ton nom. Et témoigne ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Luc au chapitre 13. Luc 13, le verset 22. Jusqu'au verset 27. Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous l'ai dit, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues. Et il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Ala kisaki mpe atambolaki epai na Yerusalemi. Motomoko atunaki ye ete nkolo. Bato bako biksa mabazali mingi te. Yende alobi ete. Meka makasi kokota na ekuke na nkaka mpo ete. Na lobi na bino ete. Bato mingi bako meka kokota mpe bako kokate. Soko mokolo nanda kwa sili kotelema. Kokangaka ekuke. Mpe boko bandaka kotelema kanadibanda kobeta na ekuke mpe koloba ete. Nkolo fungola pona biso. Akozongi sa mwono kona binu ete na ibibinote soki buhuti wapi. Nasima bokobanda koloba ete toliaki mpe tomelaki na miso na yo mpe olakisaki na balabala na biso. Nde akoloba na binu ete na yebite soki buhuti wapi longwa na ngai binu nyonso basali na mabe. Pierre chapitre 2. Mukanda ya mibale na petelo mkapwa mibale. Nous prenons le verset 4 à 5. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impie. Pour être Nzambe, atika kibango jete ba oyo basala kimabe kasi. Abwaka kibango na liselo. Atika kibango na mabulu na molili tu ete. Babate la mapona kosamba. Atika kimokili na kalakalate kasi. Abate la kinowa mosakoli na boyenge ben. Naba mosusu sambo wana. Eye isaki empela na mokili likolo na bachuli. En Jean chapitre 2. Mukanda ya liboso ya Yohana mukapwa mibale. Le verset 15 à 17. Mulongo zomi na mitano kino zomi na sambo. N'aime point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais c'est lui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen, amen. Bolinga kamokilite soki makambo kati na mokilite. Soki motonani akolinga kamokili bolingo na tata ezali kati na yete. Nzambi makambo nyonso kati na mokili. Na mposa mabena nzoto, mpe posa mabena miso, mpe nzombo na bizaleli. Euti na tata te kasi, euti na mokili. Mokili ezali boye, mpe ekolongwa, mpe posa mabena yango lokola. Ndeye oyo akosalaka mokano na Nzambe Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Je veuillez vous asseoir au nom merveilleux de Jésus-Christ. Nous souhaitons la bienvenue à chacun à la table du Seigneur Jésus-Christ. À la maison de Dieu même. Où nous sommes rassemblés pour former une maison spirituelle, un lieu d'habitation de Dieu en esprit, une maison spirituelle, un lieu d'habitation de Dieu en esprit. Et Dieu a dit, je marcherai et j'habiterai moi-même au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Et c'est pourquoi nous devons nous séparer de tout ce qui est impur. Nous séparer et non pas rétrograder. Nous séparer et vraiment nous séparer. Nous ne plus retourner aux choses que nous avons vomies. Séparer et vraiment nous séparer définitivement. Pour ne plus retomber dans l'incrédulité. Pour ne plus tomber dans les souillures du monde. Pour ne plus nous laisser influencer par les choses inutiles. Dieu dit, séparez-vous. Et vous serez pour moi des fils et des filles. C'est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui dit ça. Je pense que dans nos cœurs, nous l'aimons. Et nous aimons l'entendre nous parler. Du fond du cœur, nous l'aimons Jésus-Christ. Si vous vous tardez à l'exprimer, moi je l'aime du fond du cœur. Et j'aime l'entendre me parler. Et quand c'est le moment de communion avec lui, il n'y a pas besoin de rêver. De se laisser distraire. Et d'avoir des allusions. Ou vivre dans les illusions. C'est le moment de concentration. Pour traiter avec notre Seigneur et notre Maître et notre Roi. Le Roi divin. Le plus glorieux de tous les êtres. Le meilleur d'entre tous. Que nos cœurs communient avec lui. Et quand il nous parle, ça fait du bien. Ça restaure l'âme. Ça fortifie le cœur. Cela a fermé les genoux pour la prière. Enfermer nos pas dans la marche. Aux hésitations. Aux murmures. Aux plaintes. Ça met fin à tout ça. La parole du Seigneur a fermé nos pas. A fermé aussi nos bras. Et nos mains pour les élever dans la prière. Rester debout dans la prière. Être en position debout spirituellement parlant. Non pas dans la position de défaite. Mais en position de victoire. Parce que Jésus a conquis une grande victoire. Qui est revendiquée par ses rachetés. Nous répandiquons notre roi divin. S'il avait vaincu, ce n'était pas pour lui seul. S'il avait vaincu, ce n'était pas pour lui-même. Pour la seule gloire de son nom. Si c'était le cas, mais il pouvait le faire autrement. Il ne devait pas venir mourir pour ça. Si il est venu mourir, c'est qu'il a pris la place de ceux qui doivent mourir. Il est venu prendre la place de ceux qui étaient voués à la mort. Alors pour lui, il est réputé immortel. Il pouvait, comme en Égypte, il a fait éclater la gloire de son nom, mais sans avoir besoin de mourir. Il a dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Pour faire connaître mon nom. Pour répandre la gloire de mon nom à travers toutes les nations. Il n'a pas eu besoin de mourir. Même pas de souffrir dans un corps de chair. Et là, c'était pour la gloire de son nom. Mais tout en ayant fait ça pour la gloire de son nom, il a profité pour répandre une grâce sur son peuple, accomplir une promesse. C'était pour élargir sa réputation. Il a fait ça pour que l'on sache que le Dieu d'Israël est un Dieu exceptionnel. Est un Dieu auquel on ne résiste pas. Un Dieu auquel il ne faut pas engager, contre lequel il ne faut pas engager des combats. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire, vous finirez humilié, confus. Dieu est invincible. Mais quand il vient à Golgotha, accepter de mourir, là il prenait la place de moribond. Il a pris la place de perdu. Des êtres mortels, les descendants d'Adam, la race déchue. Les humains, hommes et femmes, garçons et filles, ce monde ici. Mais il est venu prendre leur place. De sorte que par sa mort, il a racheté ceux qui craignaient la mort, ceux sur qui la mort dominait. Sikoli, babandaki, kobanga liwa oyo, liwa ibandaki de kokonza. Il l'a effectivement fait. Hébreux chapitre 2. Il est écrit ceci au verset 13. À 15. Et encore, il est écrit, je me confierai en toi. Là, c'est le Christ, ou le souvenir de Christ, parlant dans la prophétie. Je me confierai en toi. Et encore, mais voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même au sang et à la chair. Mais en Égypte, il n'était pas obligé de passer par là. Il a utilisé la chair de Moïse. Il a utilisé la bouche d'Aaron. Il a utilisé la verge d'Aaron. Il a utilisé Moïse. Avant de voir passer lui-même par un corps de chair mortel. Il y a également passé lui-même afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et il l'a effectivement fait. Par sa mort là, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Et qui est celui-là? Le diable. Il a été rendu impuissant. Et si je vous dis que le diable est impuissant, ne minimisez pas cette puissante vérité divine. Parce qu'il veut vous maintenir dans une illusion, dans une impression, comme s'il a un grand pouvoir redoutable, il peut vraiment faire tout ce qu'il veut. tika bino neti na mabanzo neti na bikanisheli na kukanisheli ya sali na mungu ye mokosoke kwa kiko sala kasa gini ni wea lingi ke lui ile somo terrible yote ye kolobela yete à l'heure où nous parlons ici le diable a été rendu impuissant et c'est par la mort de Jésus-Christ qu'il a été réduit à l'impuissance. L'arme fatale qu'il miroitait, qu'il agitait pour intimider le monde entier, cette arme a été vaincue par Jésus-Christ. Munduki oya somo ya banda kide kosale le pona kupangi samu kilimudimba. Munduki yango kule sati salonga kiyango. Jesus Christ a vaincu la mort. Sati salonga kiyango. Il a vaincu le séjour de mort. Salonga kinebi kule na bayo. Il a vaincu la tombe. Salonga kinebi vita. Il est ressuscité vivant. A sati na bomo. Et la mort n'a plus d'effet sur lui. Ni hier, ni maintenant, ni jamais. La mort n'a plus de puissance sur Jésus-Christ. Elle est vaincue pour l'éternité. Or, la mort était l'arme fatale de Satan. Redoutable de faire les humains. Qui détalisait les esprits de Dieu. Mais notre puissant vainqueur, Dieu notre rédempteur, est descendu de sa gloire. Il est venu nous visiter sur terre. Il a vaincu sur la terre. Lui la vie éternelle. Il est venu donner la vie à quiconque croira. Même maintenant, même aujourd'hui, même là où tu m'écoutes ici, il donne la vie éternelle. Et vous avez à la recevoir sans rien redouter. Sans rien craindre. Retournement négatif de la situation. Il n'y aura rien. Il n'y aura plus rien. Et par sa mort, il a rendu impuissant à commissipable l'individu, cet esprit têtu, cette créature rebelle là, qui avait la puissance de la mort, et appelait le diable. À l'heure où nous parlons, il a déjà été rendu impuissant. Là où il erre dans les airs, il ne peut m'entendre le répéter. Il a déjà été rendu impuissant. Toutes ces menaces sont vaines. Toutes ces malédictions sont vaines. Car ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Que cette parole de Dieu te garde. Ce que Dieu bénit est béni pour l'éternité. Que le diable s'agite. Qu'il menace, qu'il utilise telle créature, qu'il utilise tel personnage, qui s'est fait sur lui. Toi, le croyant en Dieu, serviteur et servante de Dieu vivant, tu n'as rien à craindre, rien à redouter. Celui-là qui s'agit, là, qui menace là, il est déjà rendu impuissant. Ça va des agitations. Écoutez maintenant. Parce que le Seigneur a commencé par faire ça. Et nous annonçons la bonne nouvelle au nom de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle du nom de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle qui nourrit et rafraîchit nos cœurs. Après avoir fait ça par sa mort, rendre impuissant celui qui avait la puissance de la mort, par laquelle il soumettait les esprits à son service. Il les effrayait pour les amener à l'obéir. Ainsi, il délivre le Seigneur. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tous ceux-là, toute la vie durant, depuis leur naissance ou l'âge de conscience, jusqu'au reste des jours sur terre, étaient retenus dans la servitude pour obéir à Satan, devenu esclave du diable, des démons, du péché, des iniquités, du mal, et parfois même esclaves et prisonniers de leur propre passé. Quand il y a un passé, il n'est pas tellement indigne et déclassé qu'il n'a aucune espérance ni courage d'oser approcher Dieu. Il a un passé surchargé, plein de péchés et d'iniquités, qui sent que même s'il il osait, il n'aura rien. Et il se sent comme voué à mourir à cause de leurs multiples péchés, de leurs nombreux péchés. Mais le Seigneur a dit à la pécheresse là, la sainte femme pécheresse, la prostituée qui était dans la maison de Simon le pharisien, il a dit à son cœur, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Quels qu'aient été leurs nombres, quelles qu'aient été leurs gravités, tes nombreux péchés te sont pardonnés. Oui. Il a pensé ce qu'il disait. Et cela a fait effet sur cette procédure. Et sa vie a changé dès ce moment-là. Il est le même Dieu jusqu'à présent. Il délivre par la foi dans sa parole. Je l'ai dit dimanche, je le répète encore. C'est lui Dieu qui t'a envoyé la parole du salut. Je le répète, il t'a envoyé la parole ici. Et par sa grâce et sa main miséricordieuse, tes yeux sont ouverts, tes oreilles sont ouvertes pour l'entendre, recevoir cette parole ici. La voici encore cette parole ici. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il les délivre. Cette délivrance est réelle. Elle produit la joie d'être délivré. Le soulagement, le dégagement complet. Le courage de s'attacher à ce Dieu, le nouveau maître de notre vie. Et de ce Dieu, il est écrit dans Hébreux 5, au verset 9, après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Amen. Mais est-ce lié qu'au moment de sa mort, à comment qui est outil dans le micro, dans ses compos, dans le nionso, dans le tosakaye. Fini la peur de la mort. Souka yabobangeliwa. Fini la crainte de la mort. Fini le pouvoir de la mort. Souka ya bokonzi ya liwa. Fini la puissance de la mort. Christ l'a décrété. Amen. Il faut qu'un cœur y croie. Il faut qu'un cœur l'expérimente. Quand ton salut ne viendra jamais de toi-même, ton salut vient de Dieu lui-même. Et c'est lui l'auteur. Pour tous ceux qui lui obéissent, qui ont mis fin à l'obéissance à Satan, qui allons fini avec l'obéissance au diable, qui allons fini avec la peur de la mort, qui les soumettait au péché, qui les amenait à rendre le loyer service au diable et au monde. Mais par la grâce de Dieu, ils sont devenus obéissants. C'est par la grâce de Dieu qu'ils sont devenus obéissants. À Christ. Et il est devenu pour eux. Eux là les obéissants. Lui Christ est devenu pour eux l'auteur d'un salut éternel. Or, il te sauve, c'est pour l'éternité. Ce n'est ni à remettre en cause, ni à reprendre, ni discutable. Quand il le sauve, c'est fait. C'est ça le salut qui nous vient de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, je dois nous déclarer bienheureux. Je dois nous déclarer bienheureux. Nous, c'est ceux-là qui obéissons à Christ. Nous en avons fini avec la servitude du péché. La servitude de l'esclavage et de mondanité. La servitude des souillures du verre. On en a fini et c'est fini. Nous avons lu dans 1 Jean au chapitre 2. Ce qui est vrai. Et c'est la parole toujours. Verset 15 à 17. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est pas par effort que vous y arriverez. Ici, là, c'est pas par effort que vous y arriverez. Mais c'est par cet amour dont Dieu vous a aimé. Quand vous les captez, vous les saisissez. Je vous assure que les choses changent. Sans effort, l'amour du monde tombe. Car l'amour de Christ est absorbant. C'est un amour passionnant. C'est un amour envahissant. C'est un amour rédempteur. L'amour de Dieu, il est envahisseur. C'est un amour puissant vainqueur. C'est un amour libérateur. Je vous dis vrai, expérimentez, goûtez-les et vous sentirez que vos efforts n'ont presque pas de place. Mais c'est Dieu qui vous tient. C'est Dieu qui agit à travers vous. C'est Dieu qui vous délie. C'est Dieu qui vous libère. C'est Dieu qui vous tourmente. N'aimez point le monde. Ceci n'est pas à prendre comme une loi. Et comment ça s'allier? Ah, la parole aussi vraiment. Et là, on dit, n'aimez point vraiment. C'est dur, c'est dur. Et pas de tout dire, vous entendrez ça. Quand vous aimez Dieu, l'amour de Dieu ne cohabite pas avec l'amour du monde. Mais c'est l'amour de Dieu. Il est un amour envahisseur. Il chassera l'amour du monde. L'amour du monde fuira. La pression de l'amour de la vérité. La pression de l'amour de la parole. Sera chassé. Terrangé. Sous la pression de l'amour de Dieu. Quand vous ouvrez votre cœur à l'amour de Dieu. Vous l'aimez de tout votre cœur. Et de votre capacité. Mais où est-ce que le monde rencontre la place? Si votre cœur vous s'ouvre à un sens unique. Aimez Dieu rien que Dieu. De toute pensée. De toute âme. De toute force. Quand tu ne t'ouvres qu'à ce, à cette seule et unique possibilité. Même si tu es né sous la domination de l'amour du monde. Par ta naissance dans ce monde. Vaincu par la mondanité. Tu es pécheur, c'est vrai. Tu es né aimant les iniquités. Mais quand tu ouvres ton âme, et ta pensée, à l'unique possibilité, pour le reste de ta vie sur terre, rien que l'amour de Dieu, même que Dieu, dans tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, de toute ma force, dites-moi, quel terrain de vous, quelle partie de vous occuperait encore l'amour du monde? Pendant que l'amour de Dieu est un amour envahissant, un amour libérateur, un amour rédempteur, c'est un amour qui vous révolutionne, un amour transformateur. L'amour de Dieu, il est réel et effectif. Mais point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Je vous ai dit que les deux amours ne cohabitent jamais. Le premier amour, là, l'amour du monde, c'est un amour usurpateur. C'est un amour esclavagiste. C'est un amour impressionniste. Qui vous fait vivre dans une sorte d'illusion. Que vous ne serez jamais délivré. Que votre vie de péché ne prendra jamais fin. Vous êtes pécheur, vous mourrez pécheur. Et vous donnez l'impression que le salut de Dieu est impossible. C'est le premier amour du monde. C'est par ça que nous sommes nés chacun de nous. Mais nos frères et mères ici sur la terre, nous sommes nés vaincus, intimidés par le péché, terrorisés par le mal, influencés par l'environnement. Mais je vous dis maintenant une chose, le premier amour du monde est un amour trompeur. Je répète en concret. Ce premier amour là, dans lequel nous sommes habitués à grandir, nous avons grandi à il est confondu à notre nature. Il est mais qui ne se réaliseront pas. Bien des promesses de cet amour, c'est que tu ne seras jamais sauvé. Je te déclare au nom du Seigneur qu'il a menti. La bonne nouvelle, c'est que tu seras sauvé. Il nous a ordonné de prêcher la bonne nouvelle. En ces mots, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira et qui sera baptisé. Celui-là sera sauvé. C'est oui et amen pour l'éternité. Voilà ce qu'il y a. Mais l'amour du monde te dit, et toi là, tu vois même que tu as fréquenté l'église et tout. Ça ne change rien. Tu n'es pas toi un élu de Dieu. Je dois te dire encore qu'il a menti. Lui n'est pas Dieu pour connaître ce qui appartient à Dieu. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. L'amour du monde n'a ni les droits. De venir me raconter que moi je ne suis pas un élu de Dieu. Je dois répondre à cet amour du monde que tu n'en sais rien. Même si il venait me le répéter, je lui répliquerai que tu n'en sais rien. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Y a-t-il quelqu'un qui attire la stratégie? L'amour du monde n'est pas Dieu pour connaître ce qui appartient à Dieu. L'amour du monde n'est pas le cœur de Dieu pour nous dire qui est de Dieu et qui ne l'est pas. L'amour du monde est un amour trompeur. C'est un grand farceur. La vérité sort de la bouche de Dieu. Solo et comme ma corde l'a mon zambé. Dieu seul connaît ce qui lui appartient. Et il a dit que mes brebis me connaissent. Et elles me suivent. Ça j'aime. Pour obéir. J'entends et je le fais. J'entends et je le dis. Par la grâce de Dieu, et c'est comme ça. Ça restera comme ça. Parce que Christ est devenu pour ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Je ne peux pas relâcher l'obéissance. Je ne peux pas me décourager à obéir. Mais je continuerai à obéir. Quel que soit ce que je vis. Quel que soit ce qui m'arriverait, je continuerai à lui obéir. Même si je ne resterai que seul, même dans l'impopularité totale, je continuerai à lui obéir. Êtes-vous là? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, c'est quoi ce qu'il y a dans le monde? Les quartiers de bière, les prostituées, Bandumba. Qu'est-ce que vous lisez ici? Quelles sont ces choses du monde ici? Tout ce qui est dans le monde. Ce sont les gaziers de bière. Les femmes prostituées. C'est même pas ça. Les femmes prostituées là sont des créatures de Dieu. Et elles aussi doivent entendre l'évangile, croire pour être sauvées. Mais dans le monde ici. Les choses qui nous captivent. Elles sont citées ici. La convoitise de la chair. Ta propre chair, ton propre corps physique, ton corps charnel, est doté de convoitise. Ça, depuis ta naissance, tu es marqué par ça. Tu as une chair, cette chair convoite. Elle désire ceci, elle désire cela, elle désire ceci. Ça, c'est une mondanité. Cette convoitise de la chair elle-même, elle est une mondanité. Il ne faut pas aimer cette convoitise. Il faut détester cette convoitise. Il faut rejeter cette convoitise. Il faut étrangler cette convoitise. Il faut crucifier cette convoitise. Donc ceux qui appartiennent à Christ, comme dit la Bible, elles ont crucifié la chair et ses passions. Crucifier la chair et qui appartient à Christ. Quand nous venons à Christ, voilà ce que nous devons faire. C'est de crucifier la chair avec Christ. Et c'est une très belle chose, une belle expérience à vivre là. Il faut crucifier la chair avec ses passions. C'est vrai. Nous devons le faire. Comme Paul lui-même le donne un exemple ici. Il dit ici dans Galates chapitre 6, verset 14. Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Pour nangai, pelamako ezali bozwi na kembo. Pour nangai na silinde ko baka nzoto oyo na ikulusu pelamako mokile silinde ko limo pour nangai. Lingala. Ce que donne Paul comme exemple personnel. Oh, Paul a zali ko pesa lokola kisa oyo ye moko. C'était Galates 6, verset 14. Nde ekoki ete na kumi. Na mikumi sate bobele na ekulusu na nkolo na biso Yesu Kristo. Na nzela na ye, mokili ezali nde kotiama na ekulusu mpona ngai. Ngai mpe na tiami na ekulusu mpona mokili. Gloire à Dieu. Kembo epai na Nzambe. Gloire à Dieu de le faire. Kembo epai na Nzambe. Donc le monde est crucifié. Mokili etiami mpona na ekulusu. Je ne peux plus aimer le monde. Nakoki te kolinga mokili. Le monde qui m'est dominé. Mokili ebanda kokonza ngai. Qui était devenu ma nature depuis que je suis né sur terre. Ce monde-là a été crucifié. Et pour le monde, moi la chrétien, moi la croyant, je suis crucifié. Gloire à Dieu comme ça. Vous aimez cette excellente expérience chrétienne. Où le monde peut être là en train de vouloir faire des gesticulations, mais vous le voyez qu'à des vérités. Il peut faire des propositions et des tentations, mais ils sont morts. Ça n'a pas de fait. Parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Vous aimez? Alors, les convoitises qu'il y a dans la chair subissent le sort du monde pour nous croyants. C'est la crucifixion. Ces convoitises sont crucifiées. Elles sont sacrifiées. Pour ne pas nous dominer, même pas nous influencer, même pas nous conduire d'aucune façon. Tout ce qui est dans le monde, je retourne à 1 Jean 2. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. La convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Les yeux aiment convoiter. Désirer ardemment ce qu'ils voient. Les yeux. Et c'est une mondanité qu'il faut vaincre. Qu'il faut crucifier. Les yeux-là qu'on voit. Tu peux te retrouver tout seul dans le salon. Sur quelqu'un. Et il n'y a personne. On t'a juste donné une chaise. Mais la lutte s'engage. Tu regardes l'horloge, tu convoites. Tu regardes les tapis, tu convoites. Tu regardes un décor au mur, tu convoites. Tu regardes le poste téléviseur, tu convoites. Voilà. On ne t'appartient pas. Mais vous commencez à apprécier, à désirer. Vous commencez à vouloir posséder ça aussi. Ou avoir comme ça. C'est fou. Bongo mabe. Un chrétien n'est pas comme ça. Il peut y avoir personne là-bas pour que tu cherches un bouc émissaire. Oh, c'est lui qui m'a tenté. C'est à cause de lui que je suis tombé. Il n'y a personne. Tu es seul au salon, mais tu es en train de pécher devant Dieu. En convoitant. Les choses se détruisent. Les choses que tu bois. Même la photo d'un couple qui est au mur, tu commences à... Ah, si mon couple pouvait être aussi être comme ça. Atako bililinga babala nina et tutu otaliko ah ce qui va être na bala kesa la boye bien. Et toi qui dis ça, tu es célibataire. Non, ça le connaît pas. Tu convoites la photo d'un couple qui est au mur. Regarde quoi nous là, bililinga babala nina et tutu. Toutes les idées te viennent en tête et tout. Ma kadisi mbenga na ndenge. Et tu te suis devant Dieu qui te voit. Et tu vas comme une zone de bosson ensemble au akomona kayo. Arrêtez-moi tout ça. C'est langada na makabwe wana nyoso. Quand cette pression de convoitise vient, étrangle là. Quand le diable commence à t'inspirer pour te donner des idées au sujet de la vie, détournez vos yeux et regardez au calvaire. Dites, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Fais-moi voir ta croix. Que je meurs plutôt que d'admirer ces choses du monde. Que ne sont que vanité. L'orgueil de la vie. L'orgueil de ce qu'on possède. Seigneur, c'est quoi le problème? Likambo ezawati. Assombi veste. Ok. Ici. Donc on assombi veste à magasin. Ngana katomolate. Et qu'on se gagne en haïté. Naga ne pointe quitté. Et puis n'aime. Mondanité. Vous voyez le paganisme, hein? Quand ça nous tient là, un converti. Bon, on va battre comme la maïté, le gros avait sa somme. Il y a un homme à faire le colo. Vous pensez à l'honneur. Tu gonfles parce que tu as acheté une veste des magasins. Vimbani Pona, Kazaka na yo sombi. Des fois, on comprend l'équipe villageois. Quand on était au village, on n'avait pas ça, on ne pouvait pas s'imaginer l'avoir. Les jours où on l'a, c'est vraiment le ciel même presque. Ah non, ma c'est pas bon. Ne soyez jamais complexé par les choses visibles de la terre. Ne vous vantez jamais à cause de ce que vous possédez ici-bas. Dans tout ce que vous possédez de visible ici-bas, les jours où vous mourrez, tout ça reste là. Ne gonfle pas comme un crapaud. Humilie-toi et donne gloire à Dieu. L'Ecclésiaste a dit vanité de vanité. Pamba na pamba. Il fut un temps où ceux qui conduisaient les voitures Mercedes ici à Kinshasa, étaient considérés comme des super-hommes. Vous, c'est considéré, c'est eux-mêmes d'ailleurs, c'est considéré comme des super-hommes parce que Mercedes, c'était la voiture qu'utilisaient les maréchals Mobutu, les chefs de l'État de l'époque. Et puis, il y a une marque de Mercedes là, que certains Balouba sont allés convoiter. On a même surnommé ça tatoué. Certaines marques de Mercedes là. Marque Mercedes. On est diamantaire, on est ceci, on doit acheter ça. Et on est gonflé dedans comme un petit crapaud. Et puis la route, toutes les autres voitures doivent se soumettre. Dégagez-la, dégagez-la. Et c'est quoi? La Mercedes doit passer. C'est faux tout ça. Aujourd'hui, ça y est où? De vanité de vanité. Donc, pamba, pamba, na pamba. Oh, on a qu'un somme voiture, il est sur Oyo, Mokosia, Boga, Otamura, Nango, dit le colo yaye. A dit manipé le colo clapo. L'orgueil de la vie. Le nez de Gomori. Bon, la côté de la Katouna. Yo, la vie, Menekit. Et puis l'école est remontée. Et puis moi, je ne suis pas n'importe qui, vous savez. Un petit accident. Oh, le souffle est parti. Cadavre. Vanité de vanité. Tout est dérisoire. N'ayez pas l'orgueil qui inspire les richesses. L'orgueil qui provient de bien de ce monde ici. Vous commencez à parler avec arrogance. Avec trop de dédains, tout ça parce que tu as acheté une parcelle. Bayer na yo, aux autres se sont respectés. Aïe, vous êtes un loyer, vous venez vous figaï. Et c'est quoi? N'aïe pas le somme à l'opango dit. Mais avant au somme à l'opango, si vous avez un locataire, vous bondez là, bandi mela yo réduction à loyer. Balongola, $20, balongola, $10. N'est-ce pas que c'est toi? Mais on s'en met le pang, on s'en met d'ango, n'a l'oké qu'on a t'es, l'olé le soyani. Si y'a encore dans la maison d'autrui, tout est loyer. Paye le loyer. Le chrétien doit le faire. Mais quand on a fier, on devient orgueilleux. Quand on ajoute, l'orgueil s'ajoute. On ajoute encore un bien du monde, l'orgueil s'ajoute. C'est faux. Nous chrétiens, nous devons être déliés de tout ça. La Bible dit que ceux qui possèdent soient comme n'ayant, ne possédant pas. Aujourd'hui, au sommet, aujourd'hui, Zalaneti, Ozanangopete. Voilà la vie chrétienne. Nous devons être déliés du monde. Le comportement mondain, de réaction mondaine, de mentalité mondaine. Un chrétien est totalement délié de ça. Il sera doux et humble de cœur comme son Seigneur. Qui a le courage de dire amen? C'est parce qu'on commence à dire ça, vous commencez à, observer un silence. Je ne vous ai pas demandé une minute de silence. Nous prêchons la vérité pour communier avec Dieu. Quand il est proclamé, tout le peuple répondra et dira amen. L'orgueil de la vie. L'orgueil qui provient de richesses matérielles. L'orgueil qui provient des acquisitions matérielles. Soyez égal à vous-même. Votre caractère chrétien demeure le même. La vantardise est un démon. L'orgueil est satanique. Et c'est d'ailleurs une malédiction. L'humilité fait obtenir la grâce de Dieu. Dieu accorde une grâce excellente aux humbles. Mais Dieu résiste aux orgueilleux. Quel que soit leur dédain, leur sensibilité, il leur résistera. Il va leur menacer de temps, et se croit tout permis, tout dire, il dit des bêtises, il commet le péché en parlant, ne se repart jamais, ne repart jamais, plein d'assurance, mais au bout du chemin, c'est la perdition. Criant au secours, mais c'est trop tard. Il est temps de revenir à Dieu. Pendant que Dieu te parle, profite et change. Et quand Dieu te parle dans un vain orgueil, Et le monde passe. Qui dit amen? Et le monde passe. Et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. N'a-t-il pas eu un monde avant le déluge? N'en a-t-il pas eu? Est-ce que ce monde-là existe encore et toujours? Mais il est passé, non? Et le monde actuel aussi passera. Et les convoitises du monde passeront. Les convoitises des cieux, ça passera. Les convoitises chères, ça passera. Les convoitises ça passera. Ici, dans 2 Pierre chapitre 3. Ah, on a peut-être mis le capot. Il y a mis ça tout. Oh là là. L'écriture dit. Mais comme il le dit. Verset 3 à 6. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra de mon cœur avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Encore des convoitises. Ils le disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau autrefois. On peut être malin, mais pour vous, ça n'a été. Nicolo, ils allaient qui calakalam pense, et même qui n'a mai, et tel amati n'a mai, impona l'iloba, dans Zambé. Et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. On peut pas n'a mai, yango, mokilina tango, yango, et zinda kimpe, et bon mamamati. Le monde d'alors. C'est-à-dire le monde qu'il y avait alors à cette époque-là. Je vais lire ici dans la prédication la voie à laquelle Dieu a pourvu. Du 1er décembre 1953. Un commentaire important au paragraphe 21. Que Dieu nous aide ici. Mes chers amis. Il dit ceci. Frère Brunam dit. Maintenant, nous pouvons penser au temps. Et toujours. L'homme qui emprunte la voie à laquelle Dieu a pourvu est toujours un homme qui est méprisé et pris pour un fanatique. Il nous est prévenu ici que dans les derniers jours, les moqueurs viendraient avec leur raillerie et leur convoitise continueront. Mais pour se moquer, se moquer de qui? De ceux qui empruntent la voie de Dieu. Ah ouais, mais si vous avez dit que c'était un peu de temps, Et ces moqueurs-là veulent ignorer la Bible, ce qu'il y a eu autrefois. Vous direz qu'ils s'imaginent qu'il y a des mondes que ce monde ici. L'homme qui emprunte la voie à laquelle Dieu a pourvu est toujours un homme qui est méprisé et pris pour un fanatique. Est-ce que c'est ta situation? Dans ton milieu de vie ou dans ton milieu de travail, es-tu considéré comme un fanatique? Non, chacun doit les dire, non? Tu te connais quand même là aussi. À l'école? Au travail? Au quartier? Es-tu traité et considéré comme ça? Parce que si ce n'est pas le cas, c'est que là où tu vis là, tu n'empruntes pas la voie à laquelle Dieu a pourvu. Ce que va bon, tu vis comme le reste des gens, quoi. Comme tout le monde. Vous avez dit que qui ne savent pas la différence. Ils se voient pareil à eux, ils se font le mal qu'ils font, le mal qu'ils racontent, ils s'associent à faille. Ils trichent, ils volent, ils mentent, et toi aussi de même. Ma question, c'est est-ce ta situation? Et tu te fais comme un fanatique. Es-tu méprisé dans ton milieu de travail? Parce qu'ici, il est parlé de l'homme qui emprunte la voie à laquelle Dieu a prouvé. Et la voie de Dieu est toujours opposée à la voie du monde. L'amour de Dieu est toujours contraire à l'amour du monde. Ils ne peuvent pas cohabiter en paix. Quand l'un est là, l'autre n'est pas là. Ceux qui m'ont pas allé monsieur Sazali maintenant, toi frère, toi sœur, interroge-toi, questionne-toi. Tu dis comment là où on te connaît, là où on te voit. Là où tu marches. Est-ce que tu es vraiment traité comme un fanatique? En disant ça, je ne te pousse pas à aller faire des choses bizarres pour te rendre détestable et venir me dire ensuite, oh maintenant ça y est, j'ai réussi à me faire détester. La vie chrétienne est un automatisme. Amen. C'est une vie que l'on vit tout naturellement, sans porter les apparences, sans impressionner personne. On se lève, on adore Dieu, on sort, on a le à l'esprit, on médite sa parole à cœur, et on la chante quand il y a l'occasion, ainsi de suite. Amen. On déteste le mal, on hait le péché. Et tous ces modes de vie là, fait que les gens du monde vous détestent, vous mépriseront et considéreront que vous êtes un extrémiste, un fanatique. Est-ce que c'est le cas pour toi? Où tu t'es fait avoir partout? Tu es devenu un frère passoir. Une sœur passoir. Tout mal qui veut entrer peut entrer facilement. À cause des manques de caractère. On n'a pas de personnalité. L'homme qui emprunte la voie à laquelle Dieu a prouvé. Est toujours un homme qui est méprisé et pris pour un fanatique. C'est comme ça avec les vrais chrétiens. Tu vis la vie, tu aimes les gens, tu ne veux pas de problèmes, mais eux vont te détester. C'est toujours ainsi. Pour toi là, tu n'es pas traité de fanatique. Tu n'es pas du tout méprisé. Eh, tout le monde te t'apporte dans les dos. Tu es le bienvenu pour tout le monde, quoi. Les mondes t'aiment là où il a haï ton Jésus. Et ce monde là qui t'aime et t'apprécie trop. N'a pas ton Jésus. Et toi là qui te fais aimer et t'apprécier trop comme ça, tu n'as pas Jésus. Et tu me expliques que les amitiés du monde prospèrent et se multiplient. Jean chapitre 15. Verset 18. En 20. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Si elles ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Ce que Baba Kilibazal Kolinabino, Boye Baete, Basilinde Kolinangai, Libosonabino. Ce que Bazala Kibato Namokili, mais Bamokili Balinga Kibato Nabango Penza. Ce qui Bosalaki. Soki bozalaki te, soki bozalaki. Soki bozalaki bato voilà. Na mokili. Mbe, ba mokili balingaki bato na bango penza. Mbe, awa ezali bino na mokili te. Kasi, na silinde popo na bino, longwa na mokili. Bongo, ba mokili bazali koyi na bino. Boka ni salilo balilo bakindai na bino ete, mwombo ale kinkolo na yete. Soko basili konyo kola kakngai, bako nyo kola bino lokola. Soko batosi lobanangai, bakotosa oye abino, lokola. Comment veux-tu recevoir une couronne de gloire là où ton Jésus a encaissé une couronne d'épines sur la tête? Dekadimi, yo lingyozu, mo tole na tembo, et sika oye, mo kolo na yo, alfakita mo tole ya banjube, na mo tole. Vive la popularité du monde, être applaudi, apprécié par le monde, mais tu veux être chrétien en même temps. Hypocrite! Voilà comme vous tenez bien guimi balé, ça pas l'y être. Battre ma tribu, battre ma tribu, pas ça y est, pas la mingi na mokini. Seras-tu fier de porter une couronne de gloire là où je suis parti d'ici avec une couronne d'épines? Bon, pas à la manche, pas comme il y a un camarade, moi, on roule, t'as pensé à moutoler na kembo, et si t'as un colon à y aller, t'as kindé, moutoler na ba, nous sommes dans moutou. Tu voudrais multiplier les grades ici? Oui, non, sûr que ça va péter à eux. Sur les épaulettes. Et t'as dans ma péka. Là où ton Jésus est parti d'ici humilié. Et si toi, je suis là, je suis là, je suis là, je porte une croix. Mais moi, tu es là, et toi, des grades. Il n'y a pas pété. Et tu veux t'appeler chrétien. Arrêtons l'hypocrisie. Si tu veux le monde, va servir le monde. Malheureusement, plusieurs serviteurs du monde sont dans les églises. Et le papa, c'était... Continuant à prôner la mondanité, mais sous voile religieux. Continuons le comportement mondain. Christ appelle encore, il veut sauver les âmes. Il veut donner l'occasion à toi là qui traîne les pas. Celui qui croira sera sauvé.